là, cette année, moi, j'ai été passer des vacances. Je suis la plongeuse du Café des Sports. J'ai été passer des vacances à Nice. Et alors là, il y avait, je sais pas si vous connaissez Nice, c'est très, la plage est très longue. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Tout le monde était serré. Et pendant, sur 200 mètres, il n'y avait personne. Il dit, moi, je vais aller nager là où il n'y a personne. Et alors, il fallait y penser. Alors moi, j'ai été nager. Je suis la plongeuse du Café des Sports. Alors j'ai été nager, il y avait les mouettes. J'étais bien, je nageais. Je ressors de l'eau, pas plein de petits boutons. Ah ben, j'ai dit, qu'est-ce que c'est des petits boutons? Dis, tiens, j'allais me rebaigner un petit peu, ça va faire passer mes petits boutons. Je vais rebaigner, j'étais toute seule. Je suis la plongeuse du Café des Sports. Les gens sont bêtes. Alors, je nageais, j'étais dans l'eau, toute seule, à 150 mètres à droite, à 150 mètres à gauche. Tous les gens étaient serrés, j'étais toute seule. Je nageais, il y avait les mouettes qui étaient au-dessus. Mais je ressors de l'eau, pan, plein de petits boutons. Je me dis, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, je vais aller renager encore une autre fois, ça enlève mes petits boutons. Je ressors, j'en avais trois fois plus. Oh, ben, j'ai dit, demain matin, si ça continue comme ça, j'irai voir le docteur. Je me réveille le lendemain matin, plein de petits boutons. Si je vais aller voir le docteur, alors j'étais voir le docteur, il me dit, qu'est-ce que vous avez? Et si je le savais, je ne serais pas venu ici. Qu'est-ce qu'ils sont bêtes? Alors il m'a pris 50 francs, il m'a dit, vous avez des petits boutons. Alors l'après-midi, j'étais me rebaigner, là. Au lieu de se serrer, moi j'étais là. Alors il y a un monsieur qui est venu, un sportif, il m'a dit, vous ne devriez pas vous baigner là. Et pourquoi? Parce que si vous baignez là, vous finiriez par avoir des petits boutons. Il dit pourquoi? Parce que là, c'est la sortie des égouts. Les gens sont bêtes.